love you, lovey. Yes, I love you, lovey. Me conti mon ame baba yo. Yes, I love you, lovey. Yes, I love you, lovey. Oui, moi, me lovey. Me conti mon ame baba yo. Hello, je t'aime, lovey. Hello, je t'aime, lovey. Oui, moi, me lovey. Me conti mon content vivant yo. Hello, je t'aime, lovey. Vive mes grands monde, amen baba yo voilà. Maman la vie a vie la santé, maman la vie a vie liberté, maman la vie a haut. Voilà, voilà, maman la vie a sans vanité, maman la vie a haut. Maman la vie a bien ma vie, maman la vie a haut. Voilà, voilà, maman la vie a vie la santé, maman la vie a haut. Maman la vie a vie liberté, maman la vie a haut. Voilà, voilà, maman la vie a sans vanité, maman la vie a haut. Maman la vie a bien ma vie, maman la vie a haut. Allez courir, courir, marcher. Allez courir, courir, marcher. Allez courir, courir, marcher. Quand la passe pas, va voir la santé. Allez courir, courir, marcher. Allez courir, courir, marcher. Allez courir, courir, marcher. Quand la passe pas, va voir la santé. Manger naturel, naturel, c'est bon. Manger naturel, naturel, c'est bon. Natural, natural, c'est bon. Quand la barbe avant la santé, manger natural, natural, c'est bon. Manger natural, natural, c'est bon. Manger natural, natural, c'est bon. Quand la barbe avant la santé, voilà. Maman la vie a vie la santé, maman la vie a haut. Maman la vie a vie liberté, maman la vie a haut. Voilà, voilà, maman la vie a sans vanité, maman la vie a haut. Maman la vie a bien ma vie, maman la vie a haut. Natural, natural, c'est bon. Manger natural, natural, c'est bon. Manger natural.